fois il vous prend l'envie d'aller voir si ça a changé. Du côté de la patrie, les amours de nouveau-nés et cette espèce de conscience qu'on voulut tuer dans l'œuf va me faire perdre patience en me montrant quoi de neuf. La vague qui se brise contre un rocher millénaire et s'en retourne en bavant comme avant. Je me suis fait papillon, suis retourné à l'école pour voir si l'éducation tenait toujours du guignol. D'une voix de sédentaire, le maître surexcité traitait là toute une affaire, il causait sexualité. Et le soir, après 6 heures, l'honorable professeur faisait la foire au couvent comme avant. Presque tout était intact au petit séminaire d'antan et le vieil autodidacte radotait pour l'air du temps. Défendu la cigarette à cause de l'hygiène dentaire, les petits frères fument en cachette, mal à l'aise dans les water. Hypocrite, le surveillant se cache derrière les colonnes pour coincer l'enfant méchant comme avant. Moi c'est le vent qui me traîne vers de nouveaux paysages pour me soustraire à la peine de voir les mêmes visages. Je ne suis pas solidaire avec les cœurs trop bourgeois. J'ai dû traverser la mer pour pas revenir sur mes pas. Mais je rêve comme un sot que je joue dans le ruisseau et dans le soleil levant comme avant.